On va parler des internationaux d'Australie qui ont pris fin cette nuit en Australie. On va parler avec notre amie Caroline Delisle. Salut Caroline. Oui, bonjour. Caroline, d'abord, on va parler de ce qui s'est passé. C'est la Japonaise Osaka qui a remporté chez les filles la victoire contre une fille qu'on avait déjà vue au Challenge Banque nationale. Donc une autre, ça se met bien dans le CV, ça? Oui, écoutez, on est vraiment très fiers hein, de ça. Chaque fois qu'on voit des joueuses là, qui performent là, sur le circuit international, puis surtout dans les tournois du Grand Chelem comme ça, on est très, très fiers de ça. Puis oui, Jennifer Brady qui est venue à deux reprises. Et puis, il faut pas oublier Avais-tu elle aussi performé qu'elle avait. à Vilsagné? Est-ce qu'elle avait bien performé? Ben, pas vraiment, là, par contre, peut-être les quarts de finale, là, OK. bon, j'oublie un petit peu, je peux pas vous dire, mais tu sais, c'était pas comme si, là, elle s'était rendue en finale puis qu'elle avait OK, remporté les OK. grands honneurs comme Kerber dans le temps, ou, mais tu sais, il faut pas oublier non plus que même Andreescu l'a jamais gagné, Non, Challenger c'est Banque ça. nationale, donc, tu sais, c'est quand même beau de voir que ces joueuses-là, ils persévèrent, puis c'est pour ça que notre tournoi, c'est vraiment le tremplin, là, hein, pour les jeunes joueuses qui veulent aspirer à une grande carrière puis jouer sur les grands circuits. Puis Brady, il ne faut pas oublier qu'elle avait battu Jessica Pegula, une autre Américaine, qui, elle, est venue à Saguenay au moins à 4-5 reprises. OK. Puis elle s'est rendue en quart de finale. Pegula est 60e au monde. Elle, c'est la fille, là, justement, de M. Pegula, qui est le propriétaire des Sabres de Buffalo, qui est propriétaire Ah, OK. de plein de trucs sportifs, là, justement, dans le coin de Buffalo. Et puis, qui est très, très riche. Puis, bon, il y a le pétrole aussi qui suit avec ça. Donc, c'est sûr que sa fille, elle a pu profiter un petit peu du fait que son père était, bon, archi-millionnaire. Puis, tu sais, fait que ça l'a aidé. Parce qu'on dit que des fois, au tennis, ça prend du talent, ça prend de la persévérance, ainsi de suite. Mais quand on a les sous aussi avec ça fait bien, OK, ben oui, c'est là. sûr que ça Donc, aide tu beaucoup. sais, ça hein, ça aide beaucoup parce qu'elle pouvait se payer des bons entraîneurs et tout, fait que c'est sûr que ça nuit pas. Puis dans le cas de Brady, ben faut pas oublier aussi qu'au US Open, elle avait fait la demi-finale, fait qu'elle vit quand même des beaux moments là, depuis quelques temps. Puis elle est quand même 22e au monde, fait qu'on est fiers de ça. Mais écoutez, Osaka, hein, c'est une joueuse déjà accomplie, quand même assez jeune encore, mais tout en puissance. Puis elle a un excellent service, les coups de fond solides. Donc, c'est sûr que c'est une joueuse quand même difficile à battre. Puis, on l'a vu aussi contre Serena, hein, elle n'avait pas eu trop de difficultés. Fait que c'est sûr que pour la battre, là, faut vraiment là, être assez, bon, être prête, premièrement, là, physiquement, mentalement, tout ça. Mais c'est une joueuse quand même assez grande puis puissante, donc elle est difficile à contrer. Donc, fait que OK. puis, elle se déplace quand même assez bien sur le terrain aussi, c'est quand même surprenant. Toujours sur la balle, fait qu'elle démontre des belles choses, Osaka, là, qui a gagné son quatrième titre déjà pour les tournois du Grand Chelem. Fait que moi, je pense qu'elle va en gagner d'autres, ça c'est certain, dans le futur, là. Est-ce que dans le cas de Serena, tu as parlé de Serena, est-ce qu'il reste du bon tennis dans le réservoir? J'ai l'impression peut-être qu'après les Olympiques, elle va penser à arrêter. Est-ce que je me trompe? Ouais, ben là, écoutez, elle a eu son lot de succès, À quoi, hein, puis 37 ans, elle Serena? vieillit, là, ouais, pas loin de 38-39, je pense Ouais, même, là, 39, à même âge que Federer, puis je pense que c'est ça, 39, fait que là, à un moment donné, OK. c'est sûr que oui, on beau être en forme, puis s'entraîner, puis bon, encore Ouais. vouloir, hein, parce qu'elle, il en manque juste un, hein, pour battre le Oui, record, fait que alors il là, faut c'est peut-être essayer certain ça. qu'elle aimerait bien ça, avoir ce fameux dernier de victoire, là, qui lui manque. Pour ce qui est des tournois du Grand Chelem, mais écoutez, elle a tellement une carrière exceptionnelle, puis encore là, elle performe bien. Écoutez, tu sais, se rendre en demi-finale, puis tu sais, encore tu sais, livrer des bons matchs, là, rendu à son âge. Puis ça avait été très malade aussi à la naissance de sa fille. Elle a eu plein de troubles, elle a failli même mourir. Fait que c'est pas rien de revenir, puis de Ouais. s'entraîner. Puis mais écoutez, elle a la puissance, mais c'est certain que là, au fur et à mesure que ça avance. Elle ne pourra plus tellement performer là, avec les plus jeunes et tout. Puis c'est normal aussi, là, parce qu'écoutez, moi je pense aussi qu'elle va se retirer très prochainement. Là. Effectivement, chez les hommes, c'est Djokovic qui a fait Medvedev. Et oui, encore Ouais. Djoko, hein, le Joker qui en Australie, qui a gagné son 9e titre sur 18, parce qu'il en possède 18 maintenant, donc il est à deux. Il s'approche de Nadal et Federer qui en ont 20 chacun. Et puis Djokovic est quand même plus jeune, hein, il a 33 ans, donc il a encore quand même du beau tennis devant lui. Puis je veux dire Il là, a remporté sa malgré qu'il était 300e blessé, victoire hein, lors des Open d'Australie. C'est pas rien non plus, là. Non, non, non. Écoutez, puis là, encore là, ça va faire, je pense, 311 semaines de suite qui est numéro un au monde. Ça, c'est, il brise un autre record avec ça. Bon, écoutez, c'est un excellent joueur. Bon, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment moins, là, parce que, bon, Ouais, certains disent que des fois, il joue un peu à comédie quand il est blessé. On ne sait pas trop. Tu sais, des fois, il a l'air un petit peu à moitié mort, puis il revient, puis là, il a l'air frais comme une rose. Puis il réussit toujours à gagner. Donc, c'est sûr qu'il joue peut-être dans la tête aussi de certains de ses adversaires. Mais écoutez, il faut lui lever notre chapeau parce que c'est quand même un joueur là, très accompli. Puis il est très difficile à battre parce qu'il ne rate pas. Il échange, échange, échange comme une horloge. Puis il est toujours sur la balle. Puis dans les moments importants, ben, il est toujours là. Hein. Ça veut dire que ces joueurs-là, ils réussissent à sortir du pétrin puis de la misère parce que faut pas oublier que comparativement à Medvedev, il a quand même passé près de 5 heures de plus sur le terrain durant le tournoi au complet. Ça veut dire qu'il a fait quand même une couple de matchs en 5-7. Ce qui est quand même plus épuisant, puis il est quand même plus vieux aussi que Medvedev. Donc, on aurait pu penser là, que peut-être qu'en finale, il allait tirer de la patte un petit peu, puis ça n'a pas été le cas du tout. Écoutez, 7-5, 6-2, 6-2, là, c'est quand même un match relativement facile pour lui, même si lui, il dira pas ça, mais puis parce qu'il respecte quand même son adversaire, mais non, c'est tout à son honneur. Puis écoutez, il est très à l'aise en Australie, là. Écoutez, quand ça fait 9 titres qu'on gagne sur le même terrain, là, donc, il se sent vraiment chez lui là-bas, puis ça paraît, hein, parce que, bon, il a quand même passé proche là, d'être éliminé dans les tours précédents, mais il a trouvé une façon de gagner. Puis, c'est ça, les champions, hein, ils trouvent toujours une façon de gagner. Ouais. On va parler maintenant de Louis Borfiga. Louis Borfiga, il a annoncé sa retraite? C'est une grosse note pour le tennis canadien, hein? Ben oui, c'est certain. Écoutez, M. Borfiga vieillit aussi. Écoutez, il a donné des belles années là, au tennis canadien, puis il a vraiment aidé là, justement à ce que le programme bon, soit mis sur place, puis qu'on développe là, d'aussi bons joueurs comme on le fait présentement. Fait que lui, ben, tu sais, je pense qu'il c'est une mission accomplie, puis il faut pas oublier que sa femme et son fils sont en France. Fait que c'est beaucoup de sacrifices aussi. Fait que je pense qu'il est rendu là dans son cheminement, sa carrière, si on veut. Puis, écoutez, rendu à 60 quelques années, hein, c'est sûr qu'à un moment donné, on veut profiter un petit peu d'autres choses de la vie. Puis, il va peut-être rester quand même comme consultant là, pour le prochain qui va arriver. En France, on m'a dit qu'en... Ouais, ben, je pense que j'ai compris qu'il pourrait en France, c'est ça? Je comprends les entrevues. Oui, c'est ça. Ouais. Là, il retourne en France. Là, il va sûrement peut-être justement là être consultant là-bas, tout ça. Puis, même ici au Canada, là, je pense qu'il est prêt quand même à faire la relève, transition. Y a-t-il de la relève au niveau canadien qui sont capables? Parce que Borfiga, écoute, c'est lui qui a formé Raonic, c'est lui qui a formé Eugénie Bouchard, c'est lui qui a Félix Chapovalov. Si... Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de Borfiga. Est-ce qu'il y a une relève qui est prête pour le succéder? Et d'arriver ben, je pense que oui, parce que ça va quand même bien. Là. Fait que, tu sais, je pense que Tennis Canada, ils ont mis sur pied un très bon programme. Ouais. Fait que c'est sûr que même si lui n'est plus là, bon, il y a sûrement des gens autour là, qui vont travailler avec lui, puis tout ça, qui vont être capables justement de prendre la relève d'une façon ou d'une autre. Puis on va attendre. Hein. Écoutez, là, c'est sûr que les dans ces moments-ci avec la COVID, ça n'a pas été facile pour Tennis Canada. Bon, si on pense que l'année passée, il n'y a pas eu de Coupe Rogers, puis cette année, on ne le sait pas non plus. Là, est-ce que ça va jouer à huis clos? Est-ce qu'il va y avoir des spectateurs? Parce que c'est beaucoup de revenus pour eux, là, des pertes de revenus importantes. Non, ça, si 78 on calcule, millions. Pour cette année, on parle de 78 millions. Fait que ça, cet argent-là, ben, vous savez où est-ce qu'elle va. Il y en a beaucoup qui vont pour le développement, il y en a qui vont. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de mises à pied chez Tennis Canada. Donc là, il y a quand même encore des gens qui sont là en place. On va souhaiter que cette année, qu'il y ait une Coupe Rogers, parce que c'est certain que. Puis avec des spectateurs, parce que c'est comme ça quand tu vas chercher des gros revenus. Puis il ne faut pas oublier qu'au Canada, la Coupe Rogers, c'est le seul gros tournoi. Il y a d'autres pays dans le monde qui ont des tournois d'envergure, puis ils n'en ont pas seulement un. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que quand tu te fies juste sur un tournoi pour ton budget global de toute l'année, puis que le tournoi n'a pas lieu, là, ben oh, disons que hein, c'est pas facile. Et puis bon, c'est sûr qu'il y a eu des coupures dans les programmes, justement, tout ça. Fait qu'on va espérer là, que bon, qu'on va repartir sur le bon pied une fois que cette pandémie-là va être finie. Ouais. Puis renflouer les coffres un petit peu parce que c'est certain qu'ils vont en avoir de besoin. Là, parce que c'est sûr que déjà que le budget canadien pour ce qui est du développement est quand même beaucoup moins grand là, que tu sais en Europe ou à des places là, comme ça. Fait que là, s'ils ont coupé beaucoup, ben c'est sûr que c'est les jeunes qui vont en souffrir un petit peu. T'avais 7 gars en Australie, là. Cette raquette, c'est-à-dire prendre des gars, mais il y avait des filles aussi avec Joko, puis avec pas Joko, mais avec les filles et les gars, donc j'ai jamais vu ça. Sept, c'est. T'as-tu déjà vu ça dans un grand chelem? Mais je pense pas que d'avoir vu ça. Dernier point que je veux Ben, dans le parler. tableau principal, Ouais. c'est sûr que c'est très bon, on peut être fier de ça. Puis en plus, c'est tous des bons joueurs qui peuvent Ouais, faire ouais, ouais, tourner. ouais. Fait qu'on est très contents. Alors, c'est vrai que Rebecca Moreno, moi je la connais pas beaucoup, c'est une femme qui peut sortir. J'écoutais un podcast cette semaine, puis on disait que Rebecca Moreno, elle a retrouvé la santé, puis elle pourrait surprendre. Est-ce que elle pourrait être, elle pourrait surprendre bien du monde. Est-ce que tu es d'accord? T'en connais-tu assez pour. Ben, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier que Rebecca, là, avant qu'elle se retire, c'est sûr que là, elle vieillit, elle est rendue à 30 ans, mais à 22 ans, elle était déjà comme 30e au monde. Ah Puis, oui, OK. tu sais, ça allait vraiment bien son affaire, mais c'est juste que bon, il est arrivé toutes sortes de choses qui ont fait que la pression, puis bon, sur les réseaux sociaux, il y a eu toutes sortes de trucs, elle a fait comme une dépression, puis c'est pour ça aussi qu'elle a arrêté, OK. mais elle était vraiment, vraiment très bien partie, là. C'est une très, très, très bonne joueuse. C'est juste que là, bon, c'est un petit peu tard peut-être, là, certains vont dire, parce que rendu à 30 ans, c'est sûr qu'il te reste peut-être un petit peu moins de bon tennis en avant de toi qu'entre 20 et 30 ans, là, si on veut. Mais écoutez, elle va donner ce qu'elle peut donner. Si elle reste en santé, c'est surtout ça la clé, hein. Écoutez, on le voit avec Bianca, là, qui s'est encore retirée, là, des deux prochains tournois. Fait que là, ça va pas très bien dans son cas, là. C'est C'était blessure justement par-dessus ça que blessure. je voulais justement t'en parler de Ben. elle. C'était Ben, est-ce c'est que ça, là, tu sais, ouais, c'est justement ça. ça augure pas bien pour elle. Puis Marino, en tout cas, pour revenir à elle, elle a un très, très gros service, puis elle frappe solide. Fait que c'est sûr que ça peut l'aider. Bon, maintenant, c'est sûr, si elle reste en santé, moi, je pense qu'elle peut quand même, là, monter au classement, puis avoir du plaisir à jouer encore une couple d'années, ça, c'est certain, là. Ouais, bien que c'est pas de bon augure, hein. Et surtout qu'avoir été Ben, un pas haletant, vraiment. c'est. Ouais. Non, pas vraiment, parce que là, écoutez, elle joue pas, elle joue pas. C'est difficile, hein, d'avoir du rythme, là, quand t'es toujours arrêté, tu reviens, t'arrêtes. Puis, mané, ça te joue dans la tête aussi, là. C'est pas juste le côté physique, mais à un moment donné, elle doit être frustrée de tout ça, là. Tu sais, parce que là, oui, c'est bien beau sa victoire au US Open, puis tout le kit, mais je veux dire, là, ça fait quand même déjà, ça va faire 2 ans à l'automne, là, tu sais, l'automne qui s'en vient. Fait que, tu sais, elle n'a pratiquement pas joué de tournoi, puis elle est blessée quand même. Fait que, alors qu'il y a eu quand même beaucoup de pauses en raison de la COVID aussi, puis tout ça, fait que je sais pas là, qu'est-ce qui va arriver avec elle. Écoutez, on désespère pas, mais c'est juste que c'est pas encourageant. Non. Caroline, on se reparle bientôt. Notre amie Bon, ben parfait. Caroline Delisle qui nous parlait de la victoire en Australie de Djokovic et de Osaka.